devant mes yeux, c'est le ciel que je vois. De ma vie, ô mon Dieu, cette heure est la première. Devant moi, tout un monde de lumière, comme ces paradis qu'en songe nous voyons, s'entr'ouvre, en m'inondant de vie et de rayons. Partout en moi, hors moi, joie, extase et mystère, et l'ivresse, et l'orgueil, et ce qui sur la terre se rapproche le plus de la divinité, l'amour dans la puissance et dans la majesté. La reine même, ô Dieu, c'est bien vrai, c'est moi-même. Je suis plus que le roi, puisque la reine m'aime. Oh, cela m'éblouit. Heureux, aimé, vainqueur, duc d'Olmedo, l'Espagne à mes pieds. J'ai son cœur. Cet ange, qu'à genoux je contemple et je nomme, d'un mot me transfigure et me fait plus qu'un homme. Donc, je marche vivant dans mon rêve étoilé. Oh oui, j'en suis bien sûr, elle m'a bien parlé, c'est bien elle. Elle avait un petit diadème en dentelle d'argent, et je regardais même pendant qu'elle parlait. Je crois la voir encore, un aigle ciselé sur son bracelet d'or. Elle se fie à moi, m'a-t-elle dit. Pauvre ange. Oh, s'il est vrai que Dieu, par un prodige étrange, en nous donnant l'amour, voulut mêler en nous ce qui fait l'homme grand à ce qui le fait doux. Moi, qui ne crains plus rien, maintenant qu'elle m'aime, moi, qui suis tout-puissant, grâce à son choix suprême, moi dont le cœur gonflait ferait envie au roi, devant Dieu qui m'entend, sans peur, à haute voix, je le dis, vous pouvez vous confier, madame, à mon bras, comme reine, à mon cœur, comme femme. Le dévouement se cache au fond de mon amour pur et loyal. Allez, ne craignez rien. »